GS Fax, ECS Fax. Yeah, Asus. Demain Paris. Aucun cadran n'affiche la même heure. Aucun amant ne livre la même humeur. À nous Delhi. Yeah, Asus. Aucun amant n'affiche la même heure. Aucun cadran ne livre la même humeur. À nous New York. Yeah, Asus. Demain Paris. Aucun cadran n'affiche la même heure. Aucun amant ne livre la même humeur. À l'intérieur. Coule la Garonne. Pas un amant n'affiche la même heure. Aucun cadran ne livre la même humeur. À New Delhi. Yeah, Asus. Aucun cadran n'affiche la même heure. Aucun cadran n'affiche la même heure.